You smell. Des fois, on croit tracer et définir notre avenir, savoir quel chemin prendre, le concept de notre vie. Des suggestions de gauche à droite nous viennent et on choisit quel homme on sera d'un avenir lointain, est-ce que tu saisis? J'espère toute une jeunesse, la foi s'accroît et on tombe dans le piège. Je suis le passé redouteux d'un enfant désorienté qui se trouve au collège. Des rêves, on en a, l'important c'est de rester sur terre. On déploie nos ailes, on croit on s'envole, mais on prend le trajectoire en l'envers. Je suis passé à travers, j'ai fini par reculer, j'ai pris des conseils de ma mère. L'histoire commence où tu t'y attends pas, le rêve français n'est qu'illusion. J'ai pris le micro, j'ai chanté, j'ai créé une vie d'artiste, mais derrière j'ai pas fait attention. Des problèmes mais pas de solution, j'ai écrit une jeunesse de réalité, mais en même temps de fiction. J'étais ce rappeur qui rêvait de gloire et plein d'argent. Ce monde m'a aveuglé, je crois suivre le chemin du succès, donc je fais un pas en avant. J'attends, les années coulent, la même routine et la même vie qu'avant. Puis on s'éloigne de la famille, on croit couleur rebelle mais personne ne te comprend. Puis le diable te tient compagnie, tu t'enfuis loin d'ici et tu mènes une vie de vagabond. Tu traînes seul, mais pourtant le diable te suit et tu demandes de l'aide au ciel. Aucune réponse, tu désespères, tu côtoies le malheur, tu dors par terre. C'est triste à dire, le bonheur, j'y croyais plus. Le cœur vide, des sentiments me viennent, la foi n'y est plus. L'espoir fait rêver, je voyais ça de partout. Et pourtant, je tenais le coup. Je marche avec le souci du manger, la chance n'a rien à voir, il me fallait des sous. Des pleurs, des larmes traversent mon visage, abandonné, je cherche. Le bonheur, une liberté emprisonnée, j'étais piégé, jour et nuit je pêche. Je cherche un endroit où m'enfuir, où je goûterai le bonheur, où mes soucis s'envoleraient, où je serai plus accablé, plus demeure. Chaque jour valait mon humeur, pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Mais le temps passe, une envie me vient, celle de quitter ce pays et partir. Puis un mois de ramadan, je me rends à la mosquée, objectif. Chercher à manger, on doit le dire, mais c'est la seule raison qui m'est à pousser. On attend le manger, je prends le Coran, je le lis en français. Je lis, et je tombe sur ce verset. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nos croyances sont les éprouver. Puis je commence à méditer, et là des larmes commencent à tomber. Et c'est là que je finis par y pleurer. Je repensais à ces moments où j'étais là et je me plaignais. Je croyais être heureux à travers la musique et la célébrité. Ce soir, je repensais, je revoyais ma vie tout entière. En fait, Allah voulait m'éprouver dans mon parcours de manière à me remettre dans le droit chemin et peut-être commencer la prière. Et c'est là que je me suis levé ce matin-là, je me suis prosterné devant Allah, devant mon Seigneur. C'est là que j'avais le cœur tout apaisé. J'ai pleuré devant lui, demandant pardon à tous mes péchés. Je me sentais humilié car je n'ai pas vu la chance que j'avais d'avoir mon Seigneur auprès de moi qui me surveillait pendant des années. Quand je me repensais, mon cœur apaisé, je me sentais en sécurité et j'ai commencé à étudier ma religion comme il fallait. J'ai délaissé la désobéissance à Allah et je me suis repenti. Alors une nouvelle vie a commencé et je me sentais épanoui. On ne sait jamais notre destin, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut œuvrer dans l'espérance et dans la peur. Merci à Allah de m'avoir guidé dans ton droit chemin. Si tu m'avais pas éclairé à cette heure-ci, je ne saurais même pas dans quel état je serais. Peut-être que je serais en train de forniquer, ou en train de voler, ou pire encore, en train d'associer Allah à une autre divinité. Christmas.